pensais que l'histoire ne changerait pas, qu'elle se reproduirait à chaque fois. À présent, je me dis que tout peut changer dans la vie. Maintenant, je sais ce qui m'attend. Je choisis le chemin que je prends. Et toute tragédie devient joyeuse comme par magie. C'est facile.